Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 30. De la miséricorde. Deux causes de la miséricorde, le mal d'autrui et ce qui manque à celui qui compatit. Excellence de la miséricorde. 1. La miséricorde a-t-elle pour motif principal le mal d'autrui? Saint Augustin définit la miséricorde, une sympathie du cœur qui nous porte à soulager la souffrance d'autrui de tout notre pouvoir. Le mot miséricorde, par son étymologie même, cor miserum, signifie un cœur affligé de la misère d'autrui. Nous sommes touchés des mots qui, contrariant l'inclination naturelle des êtres, menacent leur existence ou les contristent. Ces mots sont-ils contraires à la volonté d'élection? Arrive-t-il, par exemple, à quelqu'un qui attendait un bien, nous en sommes frappés davantage, ils nous affectent au plus haut degré, dès qu'ils sont absolument immérités, comme dans celui qui a toujours fait le bien et qui n'a pour partage que des peines. Le malheur d'un homme qui souffre sans l'avoir mérité, disait le philosophe, est ce qui excite par-dessus tout notre commisération. Dans tous ces cas, la miséricorde a pour cause le mal d'autrui. 2. La miséricorde a-t-elle aussi pour cause ce qui manque à celui qui compatit? La misère de nos semblables ne nous afflige que tant que nous la regardons comme la nôtre. Ce sentiment résulte, en premier lieu, de l'union que produit l'amour. Celui qui aime voit dans son ami un autre lui-même, et il gémit de son mal comme du sien. De là cette parole de l'apôtre, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. La même émotion résulte, en second lieu, d'une union réelle, comme quand le mal des autres est près de nous envahir. Les hommes, disait le philosophe, sont compatissants envers les malheureux qui leur sont unis, car ils pensent qu'ils peuvent éprouver le même sort. Les vieillards et les sages, les faibles et les timides, plus préoccupés que les autres des maux qui peuvent leur arriver, sont pour cela même plus accessibles au sentiment de la pitié. On peut ainsi trouver une cause de la miséricorde en ce qui manque aux hommes, soit qu'en vertu de l'union produite par l'amour, ils s'identifient avec ceux qui souffrent, soit qu'ils se croient exposés à éprouver eux-mêmes les maux dont ils sont témoins. Note. Dieu est miséricordieux en vertu de son amour, il nous aime comme si nous étions quelque chose de lui-même. Dans la colère, les hommes s'imaginent que le mal ne saurait les atteindre, de là cette parole, la colère est sans pitié, ainsi que la fureur qui éclate. Proverbe 27, 4. Les orgueilleux sont, par un motif semblable, étrangers à la miséricorde, à leurs yeux, les malheureux ne souffrent que ce qu'ils méritent. Fin de la note. 3. La miséricorde est-elle une vertu? La miséricorde est une douleur que l'on éprouve en présence de la misère d'autrui. Cette douleur est parfois une émotion de la sensibilité. Dans ce cas, la miséricorde est une passion, et non une vertu. D'autres fois, elle est un mouvement de la volonté, qui voit avec déplaisir le mal d'une personne. Susceptible d'être réglé par la raison, ce mouvement peut régler à son tour les affections de l'appétit inférieur. Sur ce fondement, saint Augustin disait très bien, la miséricorde prête son ministère à la raison, lorsque, sans blesser les droits de la justice, elle secourt l'indigent ou pardonne au repentir. La vertu humaine consistant essentiellement dans cette conformité de nos sentiments avec la raison, la miséricorde prend nécessairement rang parmi les vertus. 4. La miséricorde est-elle la plus grande des vertus? L'apôtre, après avoir dit, revêtez-vous, comme les bien-aimés de Dieu, des entrailles de la miséricorde, ajoute, mais surtout ayez la charité. Colossiens 3, 12 et 14. La miséricorde n'est donc pas absolument la plus grande de toutes les vertus. Une vertu est appelée très grande, soit en elle-même, soit par rapport au sujet qui la possède. En elle-même, la miséricorde est une très grande vertu, car il lui appartient de donner et de suppléer ainsi aux besoins des autres, ce qui est le propre d'un être supérieur. Aussi est-elle en Dieu un attribut, à cause duquel il manifeste surtout sa puissance infinie. Relativement au sujet qui la possède, elle n'est la plus grande des vertus que dans le plus grand des êtres. Quiconque a un supérieur doit s'unir à lui avant de suppléer ce qui manque à son inférieur. L'homme, qui a Dieu au-dessus de soi, a pour vertu principale la charité, par laquelle il s'unit à son auteur, et non la miséricorde, qui secourt le prochain. Mais, de toutes les vertus qui ont le prochain pour objet, la miséricorde est la plus excellente, par la raison qu'il appartient à un être supérieur et parfait de suppléer ce qui manque aux autres. De là cette parole, « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Luc 6, 36. Note. Souvenez-vous, disait saint Paul, de faire part de vos biens aux autres, on se rend Dieu favorable par de telles hosties. Hébreux 13, 16. La religion chrétienne, pour les œuvres extérieures, consiste sommairement dans la miséricorde. L'amour intérieur de la charité, qui nous unit à Dieu, l'emporte sur l'amour et la miséricorde que nous avons pour le prochain. Si la miséricorde nous assimile à Dieu pour les œuvres, la charité nous y assimile encore mieux par l'union d'amour. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.